بسم الله الرحمن الرحيم. ندخل اليوم في الدرس 46 بعد المئة. 46 question أو leçon. يقول المؤلف رحمه الله تعالى أو حفظ الله تعالى في السؤال 1306 question. ما هي الغيبة؟ Qu'est-ce que le ghiba? Ce qu'on appelle en français la médisance. C'est le fait de citer ton frère par une chose qu'il déteste. Comme dans le hadith d'Abu Huraira, أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال أتدرون ما الغيبة؟ قالوا الله وصله أعلم. Il a dit, est-ce que vous savez qu'est-ce que le ghiba? Ils ont dit, Allah, ils sont messagers plus savants. قال ذكرك أخاك بما يكره. C'est le fait de citer ton frère une chose qu'il déteste. قال قيل أرأيت إن كان في أخي ما أقول؟ قال إن كان في ما تقول فقد اختبته فإن لم يكن فيه فقد بهته. Rao Muslim. Il a dit, mais si on dit une chose qui est vraiment en lui, il dit, mais tu dis une chose qui est vraiment en lui, qu'il déteste, que l'on dise, alors tu l'auras médit. Et si jamais tu dis une chose qui n'est pas en lui, c'est là encore pire encore, tu auras inventé sur lui. Il faut ranger à son encontre. Rapporté par Muslim. Donc c'est cela le riba. Et le hukm du riba, quand la fissoua le sabir wa salasumia wa elf, 1307e question. Ma hukm le riba, c'est quoi son jugement? Elle est interdite, muharrama, bel min al kaba'ir. Min al kaba'ir. Qala, qallahu ta'ala, wa la yakhtab ba'dukum ba'da, ay yuhibbu ahadukum an yakula lahma akhihi mayta, fakarihtumuh. Wattakullaha inna Allah tawwabur rahim. Il a dit, Allah a joué dans le sens où il dit, et ne vous médisez pas les uns les autres, est-ce que l'un d'entre vous aimerait manger la chair mort de son frère, vous le détesteriez. Alors craignez Allah, Allah certes est grand accueilleur au repentir. Et bien miséricordieux. Al-Hujurat, les appartements, verset 12. Et malheureusement, comme nous disons ma chère, la personne mustaqim, le salafi droit, sunni, il évite plein de péchés. Des fois de l'Allah ta'ala, plein de choses qu'il ne fera pas. Mais la chose à laquelle il n'échappera probablement jamais, c'est cette riba. Cette riba-là, cette médisance, personne n'y échappe, hormis celui à qui Allah Azzawajal aura voulu préserver de cela. C'est un fléau qui nous contamine tous. Et des fois, on ne s'en rend pas compte. Maintenant, il y a des cas où c'est permis de faire du riba. Comme par exemple pour conseiller, ou lorsqu'il y a une justice à donner, à émettre, d'accord ? Ou lorsqu'il y a une critique à émettre d'une personne qui est dangereuse pour la communauté, ou réaliser des cas. Il y a des cas où cela est permis. D'accord ? Ce n'est pas dans l'absolu. Alors, ce n'est pas dans l'absolu. Il y a des cas où cela est permis. Quand même, donc ne pas toute personne. Mais quand cela n'est pas permis, en sens de ces cas-là, il ne faut pas le faire. Et faire toujours attention. Et ça, c'est une réfutation aux gens qui disent que toute vérité est bonne à dire. On dit non. Par exemple, quelqu'un, il a un défaut qui est réel, qui existe en lui, tu n'as pas à le dire. Et pourtant, c'est la vérité. Mais tu n'as pas à le dire. Car tu rentres dans l'interdit en faisant cela. ثم قال في السؤال الثامن وثلاثمائة بعد ألف 1308 question. ما هي النميمة؟ ce qu'on appelle la calomnie. قال نقل القلم بين الناس ليفسد بينهم. C'est le fait de rapporter les paroles entre les gens, ce qui sème le désordre entre eux. Quelqu'un a dit une parole, par exemple, tu as un frère, il s'appelle Zayd, il a dit une parole sur Mohammed. Même si ce n'est pas du riba, une parole. Et toi, tu vas voir Mohammed, tu vas le dire. Zayd, il est telle chose. En sachant que cette parole-là, elle va faire des problèmes. Tu vas le dire à Mohammed. Ou tu vas le dire à des gens qui vont le dire à Mohammed. Tu propages une parole entre les gens qui va faire des problèmes. Ça, c'est al-namima. D'accord ? C'est al-namima. Ça, c'est également un grand problème qu'on a à notre époque. De propager des paroles qu'on entend. Quand quelqu'un propage une parole qu'il a entendue, qu'il fasse attention à ce qu'il va dire, car il y aura des conséquences qu'il y aura derrière. Et ça, c'est aussi présent extrêmement chez les femmes. Très, très chez les femmes. La communauté de façon générale, mais surtout chez les femmes. Qui ne tiennent pas leur langue et qui répètent tout ce qu'elles entendent. Et même des fois, elles n'ont pas l'intention de faire du mal. Elles entendent une parole d'une sœur, elles vont la répéter, comme ça, naïvement, dans une assise. Elles le répètent et cela fait des problèmes entre les sœurs. Ou même entre la femme et son mari. Ou entre le fils et son père. Et ainsi de suite. Donc très attention à ce qu'on dit et bien réfléchir à ce que l'on dit. ثم قال في السؤال التاسع وثلاثمائة بعد ألف 1309 question. ما جزاء النمام؟ Maintenant c'est quoi la rétribution de ce calomnieur؟ قال في حديث حذيفة قال النبي صلى الله عليه وسلم Layatroulou al-Jannah, Fatat. Tamam, Fatat, Fatat, c'est le sens de Namam. Et la différence entre un Fatat et un Namam, ce qui me semble, c'est qu'un Fatat, c'est quelqu'un qui va dire en face à quelqu'un ce qu'il a entendu, et de l'autre, ce qu'il va propager au milieu des gens. Sans forcément le dire à la personne concernée. De ce qui me semble, mais je ne suis pas sûr. Et également, celui qui fait de la Namima, il s'expose au châtiment de la tombe, comme dans le hadith d'Ibn Abbas, de ces deux hommes qui se faisaient châtier dans leur tombe, quand le Nabi sallallahu alayhi wa sallam a été interrogé à leur rencontre, il a dit, ils se font châtier. Et il y en a un qui se faisait châtier parce qu'il urinait devant les gens, ou qu'il ne se préservait pas de son urine, et l'autre, c'était un ammam, un calomnia. Waliyaz billah. Qala ma uqubat man kana lahu wajhan fi dunya. Maintenant, c'est quoi la... Fi suwal ashir wa salasumiya wa elf. 1310e question. Quelle est la punition de celui qui a un double visage en ce bas monde? Quand là, il aura le jour de la résurrection deux langues de feu, comme dans le hadith de Ammar. Quand Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, an kana lahu wajhan fi dunya, kana lahu yawm al-qiyam lisanan min nar. Rawahu Abu Daoud. Celui qui aura un double visage, c'est-à-dire avec des gens il montre un visage et avec d'autres personnes un autre visage opposé, ce qu'on appelle en français, ça s'appelle de l'hypocrisie. Ce n'est pas le même sens qu'en arabe, mais ça s'appelle un hypocrite. Comme le font beaucoup les hommes politiques, le Hizbi aussi qui veulent rassembler les gens autour d'eux, ils montrent un visage à certaines personnes et un autre à d'autres personnes. D'accord ? Ça, c'est ce qu'on appelle un Zouwajhain, double visage. Maintenant, attention de ne pas comprendre avec ce qu'on appelle Al-Mudara, la diplomatie dont a fait preuve le Nabi sallallahu alayhi wa sallam. Comme cet homme qui a frappé à la porte et après il a dit Bisou ibn Ashira. Quelle mauvaise personne celui-là. Et quand il a ouvert la porte, il lui a souri. Et Aïcha lui demandait, il lui a dit, il y a des gens, pour cet homme-là, tu as dit telle chose sur lui, quand tu ouvres la porte, tu as souri, tu lui as souri. Il a dit, il y a des gens qui vont faire cela pour éviter leur mal. Donc là, il y a un sabab, il y a une cause pour éviter le mal, pour éviter des problèmes. Maintenant, ça ne veut pas dire qu'il a menti. Il a juste fait un sourire. D'accord, il ne lui a pas fait son éloge. Il ne lui a pas fait croire non plus qu'il était une personne de bien à ses yeux. Il a juste fait un sourire. Parce que des gens ne comprennent pas cela. Ils font preuve justement d'hypocrisie dans leur relation et disent moi c'est pour arranger les choses. On dit qu'il y a des limites à ne pas dépasser. De ne pas mentir et ne pas laisser apparaître à la personne une chose qui n'est pas vraie. Un sourire, ça veut juste, c'est juste un sourire, c'est quoi? C'est une chose qui calme la personne. Quand tu souris à quelqu'un, ça apaise la personne. Mais lorsque tu lui dis tu es quelqu'un de bien, je t'aime, ou kazaï, tu lui mens ouvertement ou tu lui fais croire des choses qui ne sont pas vraies, ça c'est autre chose. Donc attention à ces gens-là qui ont un double visage, qui sont toujours d'accord avec toi, jamais de conseils, et le jour où il y a un problème, tu entends qu'en réalité il n'était pas comme tu l'imaginais. Wallah azbillah. Thumma qala fi sual hadi ashar wa salasumiya bad elf, 1311e question. Ma jaza man radda an ird akhihi al-muslim. Maintenant, qu'en est-il de celui qui défend l'honneur de son frère musulman? Qala radallahu an wajhi an-nar yawm al-qiyamah, que Allah protège son visage du feu le jour de la résurrection. Comme dans le hadith de Abi Darda, an an-nabi sallallahu alayhi wa sallam, qala man radda an ard akhihi radallahu an wajhi an-nar yawm al-qiyamah. Rawahu Ahmed. Celui qui protège l'honneur de son frère musulman, Allah protège son visage du feu, le Malqiyama. Et là, on parle d'une protection qui est légiférée. Quelqu'un qui est fait dans son honneur, injustement. On le protège, on le défend, d'accord? On se tient à ses côtés. Ce n'est pas défendre quelqu'un qui mérite d'être critiqué, ça c'est autre chose. Là, on parle de quelqu'un qui ne mérite pas. Donc, quand tu entends une parole sur ton frère, tu sais qu'elle n'est pas vraie, ou elle est à tu réagis et tu le défends. Et cela te vaudra que Allah Azza wa Jal protège ton visage, je mets le qiyama du feu. ثم قال في السؤال الثاني عشر وثلاثمائة بعد ألف 1312e question. ما هو أحب الأعمال إلى الله؟ Quelle est l'œuvre la plus aimée auprès d'Allah Azza wa Jal? En réalité, l'œuvre la plus aimée auprès d'Allah Azza wa Jal, c'est de faire ce qu'il a rendu obligatoire. Premièrement. كما قال النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث القدسي ما تقرب إلي عبد أو عبدي بشيء أحب إلي مما افترضته عليه. Que mon serviteur ne s'est pas approché de moi pour une chose plus aimée auprès de moi que ce que je lui ai rendu obligatoire. Premièrement, de faire les obligations. Et deuxièmement, c'est ce qu'on vient, l'auteur va citer là maintenant, c'est le fait de perdurer sur une œuvre. Tu l'as fait tout le temps, tu restes régulier. Comme dans le hadith de Aïcha, Anna Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, qu'on a, on souhila, ayil amel ahabu ilallah, qu'on a, adwamuhu, wa inqalla. Il a été interrogé, quelle est l'œuvre la plus aimée auprès d'Allah? Il a dit, celle qui continue, même si elle est en faible quantité, même si elle est peu. Une chose que tu fais peu, mais tu la fais tout le temps, elle est préférée auprès d'Allah, parce qu'une chose que tu vas faire tout le temps et que tu vas arrêter de temps à autre. Un exemple qu'on donne, par exemple, le witr, le fait que tu fasses une rakat. Le witr, ne serait-ce que même en début de nuit, tu l'as fait tout le temps, serait préférable auprès d'Allah que tu fasses un qiyam al-layl un jour de 12 rakat pendant 2 heures, après pendant 3 jours tu ne le fais plus. Après, un jour après, tu le refais 5 rakat. Après, quelques jours, tu ne le fais plus, et ainsi de suite. Alors, elle va préférer que tu fasses une rakat tous les soirs et que tu la gardes et que tu continues dessus que celle-ci. Allah va préférer que tu fasses, mathalen, un jour de jeûne par mois plutôt que tu fasses Yem Daoud et tu le fasses une semaine sur deux, une semaine tu le fais, un mois tu le fais plus, et ainsi de suite. Plutôt que tu fasses un jour de jeûne et tu le fais tous les mois, une fois par mois, cela sera plus aimé auprès d'Allah Azza wa Jalla. Donc, c'est vrai, le Nabi sallam, quand il dit Alaykoum bima tutiqoun, faites ce que vous supportez pour ne pas avoir à s'arrêter. Non. Fana kabi bi hadha al-qadr al-yawm, wa alhamdu rabbil alamin.